amis aventuriers, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonsoir à tous. Tous. On se retrouve aujourd'hui pour traiter de l'épisode 8 de cette saison de Koh-Lanta au Fidji. Vous écoutez Koh-Lanta. Bienvenue. Je suis en compagnie de Louis et Lucas. Comment allez-vous, messieurs? Bah attention, pas tous à la fois. Ah, dans l'ordre, c'était moi. Bah du coup, moi ça va très bien. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Moi, je pète la forme. Je rentre chez le coiffeur et moi, je suis beau comme jamais. Voilà. Bah, à force de faire des quenelles avec un bras dans le plâtre, forcément, la vie est belle. Aujourd'hui, au programme, la réunification et toutes les stratégies qui vont être peut-être remises en question ou de nouvelles vont s'en créer. On va traiter tout ça aujourd'hui, mais évidemment, puisqu'il est là aujourd'hui, il nous a préparé une petite minute. Il s'agit évidemment de Louis. Louis, est-ce que tu es prêt pour nous présenter la musique de cette émission? Dites oui. Alors attention, je donne le top comme Denis. Évidemment, avec notre sponsor en ligne, chronomètre-en-ligne.com. C'est parti, Louis. Top. Les gens ont toujours faim et ce malgré l'énorme boudin que Fabien fait en début d'épisode suite au départ de Manu. Il s'excusera juste à temps pour partir en épreuve de confort. Pour gagner les deux pizzas, il faudra tirer une fois de plus des pierres sous l'eau. Après un duel au coude à coude, les jaunes l'emportent enfin. André décide qu'il est responsable de la défaite des rouges, mais Sébastien, qui comme d'habitude veut être meilleur que tout le monde, dit que non, c'est lui qui a vraiment tout fait capoter. S'il se la joue chef, il n'est en tout cas pas roi chez les jaunes qui dégustent leur reine et décident qu'il est l'homme à abattre après la réunification imminente. Fabien et Marguerite sont ambassadeurs, le pouvoir de la Startup Nation vacille et Duc Dual leur partir. Gros bisous et énorme cœur sur lui. Épreuve d'immunité individuelle suite à la réunification, il faut tenir en étoile entre deux murs. Seb s'en sort, malheureusement, et apparemment grâce au karaté. Bravo l'appropriation culturelle. Les jaunes ne sont plus si contents de suivre Prince Fabiano que tout le monde commence à avoir peur. Dans tous les coins, on cherche des colliers d'immunité fraîchement placés sur le camp réunifié. Au conseil, Maxime craque et chie dans la colle, foutant en l'air toutes les stratégies et tous ses copains jaunes. Marvin en fait les frais, à la semaine prochaine sur l'île de Seb pour la suite du Battle Royale des Mythos qui se la pète. Bravo. Est-ce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une minute qui tient en une minute? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une minute. Déjà. Alors tu en as parlé, on va partir tout de suite sur une épreuve de confort. Attention, jingle à la bouche. Alors l'épisode s'ouvre sur, bon, avant l'épreuve de confort, il y a le choc de la disparition de Manu chez les Rouges. Il n'est pas mort, hein, il s'est fait éliminer au conseil précédent. Tu peux bien le préciser parce que sur Koh-Lanta, on ne sait jamais. Il est immortel. Puis un petit médecin et c'est parti, quoi. On se retrouve avec une épreuve où il faut soulever des grosses pierres sous l'eau. Il y a un peu un pattern qui se dessine, hein, on vous en a déjà parlé. Épreuve classique de Koh-Lanta, n'est-ce pas? Bah c'est ça, ouais. Comme d'habitude, hein, on l'avait déjà vu l'année dernière, on l'aurait déjà vu cette année. Et l'année d'avant, probablement. Et l'année d'avant, et il y a 10 ans, et, voilà. Et beaucoup de temps avant. Après, moi j'ai trouvé que c'était, peut-être pour la première fois, depuis très très longtemps, bien monté. Enfin, je sais pas, je sais pas si c'était assez court, si c'était bien monté ou pas, mais c'était bien. Alors après, on va peut-être revenir sur ce qui s'est passé avant. Vas-y. Donc du coup, ouais, alors le twist, c'est que, ouais, ils doivent décider, je pense, d'un ordre de passage avant. Oui. Les pierres sont pas toutes à la même distance. Non, aussi, en fait. les pierres sont toutes à des distances différentes. Donc en premier, t'as Maxime qui part chez les jaunes, Seb qui part chez les rouges. Et les jaunes et les rouges adoptent deux stratégies différentes. C'est-à-dire que les jaunes, ils vont pas tout de suite forcément essayer d'aller chercher les pierres les plus loin. En fait, ils se disent que je crois qu'il y a plus de pierres que de gens qui ne passent. Donc du coup, en fait, le mec qui passe c'est en ça. Premier va repasser à la fin. Mmh. Donc ce qu'il dit, c'est Maxime, il prend celle qui est la plus loin. Après, on prend les plus proches et Maxime, il reprendra celle qui reste qui est la plus loin. Parce que Maxime est le plus fort en appui, voilà, etc. Voilà, exactement. Eux, les rouges, ils disent, on va tous essayer d'aller chercher la plus loin. Et du coup, au deuxième passage, t'as André qui va chercher la deuxième plus loin. Du coup, vu que Seb a déjà ramené la plus lointaine. Et André, même s'il doit avoir des gros poumons, en 10 secondes, il n'y a plus rien, quoi. Il flotte, quoi. C'est ça aussi, cette difficulté. C'est ça, ouais. Je sais pas. En tout cas, donc du coup, il y a ce truc qui se fait où les jaunes en ramènent plus parce que bah forcément ils ramènent celles qui sont plus proches au début. Les rouges en ont moins ramené, mais on sait jamais trop. Enfin, en gros, il y a à la fin, il reste genre, je crois qu'il en reste deux de chaque côté, plus ou moins. Les jaunes en ont une d'avance et après ça commence à se rattraper. Il y en a deux de chaque côté, sauf qu'il y en a deux qui sont très loin chez les rouges ou très loin chez les jaunes et proches chez les rouges. Et au final, ça se joue genre il y a un duel final entre Tiffany et Marguerite et Tiffany l'emporte, genre rien du tout pour les jaunes, quoi. Mais c'était, bah, c'était cool à voir. Tout à fait, victoire des jaunes. Et on n'a pas parlé de cette petite récompense, parce que, comme le dit Denis dans sa vidéo, parce qu'il y a des vidéos en ligne, c'est pizza, mais il dit, pour vous, ça ne semble peut-être rien. C'est quelque chose qui est accessible tous les jours. Mais sur Koh-Lanta, c'est exceptionnel. Ils vont pouvoir manger une pizza. Vraiment, là, on se prend des conforts, mais tellement low cost, quoi. Ça fait c'est clair. On est à l'enchaînement de genre le steak, le dentifrice, le jus de fruits et la pizza. Et la pizza. Ah ouais. Je sais pas si vous avez vu, mais sur c'est le carton de la pizza, ils avaient écrit Koh-Lanta avec un marqueur blanc en essayant de faire une calligraphie jolie, mais vraiment, on aurait dit. C'est un web design de boutique de fleurs dans le plein milieu de l'Aveyron. Bon, ça m'a quand même envie de donner de manger une donner pizza. Donner envie de manger une pizza, ouais. Et à ce moment-là, donc avant de donner les pizzas aux jaunes et notamment à Tiffany, parce que c'est grâce à elle qu'ils ont gagné. Encore une fois, Tiffany qui se révèle finalement une pierre tournante de cette équipe des jaunes dans les épreuves. Ouais, moi, ça m'a fait marrer parce qu'elle a, elle allait plonger et elle a senti qu'elle perdait son froc et du coup, elle l'a remis avant de plonger. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que je me suis dit, elle allait avoir conscience qu'il y a un mec qui est à l'affût, tu vois, avec sa caméra sous l'eau et sa boutique et qu'elle prend plus ça, tu vois. Il est en haut, putain. Il prépare le gros plan. Oui, c'est vraiment le genre des mecs, des Koh-Lanta, quoi. Ouais. Damien, il nous aurait mis un petit rip, tu vois, un truc un peu. Oui, la musique de Playboy et tout ça, tu sais. Et donc, à ce moment-là, Denis, qui est sur la plage avec tout le monde, annonce que demain, c'est la réunification. Ouais. Et là, regard de tueur de Sébastien vers Maxime. Et il est important, ce regard, parce qu'il va laisser des traces. Oula, indélébile. Chez Maxime, ça va, voilà, c'est un fait marquant de cette aventure, quoi. Le mec, il va pas s'en remettre. Tant pis pour la naissance de son fils. Alors, ça se trouve, il avait que le soleil dans les yeux, tu vois. Parce qu'il fronce les yeux. Oui. Ce qui est encore un peu d'appropriation culturelle par rapport au karaté et tout ça, tu vois. Effectivement, ouais, ça en faire beaucoup, là. Ah, mais en même temps, les gens du Nord, ils ont pas le soleil dans les yeux qu'ils n'ont pas dehors. Si. Non, c'est dans le cœur, non? Ah ouais, merde. Non, c'est dans les yeux, je crois. Ah ouais? Ont dans les yeux le bleu qu'il manque à leur décor. Ah, et merde! Enrico. Donc, chaque équipe. Donc, on en reparlera de ce regard, hein, parce qu'il va revenir tout au long de cet épisode. Bah, il revient surtout pendant qu'il mange la pizza, quand même, ce qui est avant la réunification. Oui. Je me permets, parce que du coup, finalement, les jaunes s'assoient, disent, oh, bah, quand même, c'est vraiment bon le cochon. Et, commence à dire. Ah oui, c'est ça, faut qu'on parle de ça. Il y a un de nos amis qui m'a envoyé la vidéo, en fait, juste avec les moments coupés du rire, tu vois, et il m'a dit j'étais mort de rire pendant 15 minutes. Et j'ai trouvé ça drôle, mais pas à ce point-là. Mais par contre, la manière dont c'est monté dans l'épisode, oui, où ils sont tous assis en train de manger leur pizza et personne ne parle, et il fait, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. C'est Fabien, évidemment, messieurs-dames, qui fait ça. Ce rire, il est heureux de manger cette pizza. Un peu hébété, d'ailleurs. Ça doit être un peu terrifiant, quand même. Non, il est complètement fou, lui, hein, vraiment. Et du coup, tout le monde commence à... Romain dit... Maxime, pourquoi Romain ? Maxime dit... Oh là là, Sébastien, il m'a mal regardé. Il fait le petit coquelet. Nanana. Et puis, bon, c'est vrai. Hein, et du coup, tout le monde enquille dessus. Même les jaunes qui jusque-là... Enfin, les anciens jaunes, les jeunes qui étaient un petit peu réservés, disent, ouais, c'est vrai quand même, c'est un gros con, nanana. Voilà. Réunif. On enchaîne sur une réunification où, pendant ce temps où ils sont encore ensemble, les deux équipes doivent choisir l'ambassadeur de l'équipe adverse. Mmh. Et non pas leur propre ambassadeur. Puisque là, faut qu'on parle deux secondes de la stratégie que ça apporte avant de parler des choix qu'ils ont fait eux. Parce qu'en soi, en ayant croisé les gens de ton équipe avec les gens de l'équipe adverse, et ont même eu d'autres équipes au début de l'aventure, t'es censé avoir des liens et choisir des gens en fonction des liens que t'as avec eux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Est-ce qu'on a rappelé le rôle des ambassadeurs ? Tu peux rappeler le rôle des ambassadeurs. Alors, les ambassadeurs sont donc deux personnes désignées par les équipes adverses qui se retrouvent sur une île et qui doivent décider d'une personne à éliminer avant la réunification. Yes. Et donc le principe, c'est que ils discutent, et normalement, comme chacun est très attaché à son équipe, tout le monde veut que ça soit quelqu'un de l'équipe adverse, donc ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Pour les forcer un petit peu à se mettre d'accord, il y a la sentence, hein, le le coup près, qui est de si vous n'êtes pas d'accord au bout de le moment où Denis commence à se faire chier quoi, tu fais un tirage au sort, boule blanche, boule noire, celui qui a la boule noire il se tire à la place de celui qu'ils n'auront pas réussi à se mettre d'accord d'éliminer. Donc il vaut mieux être copain avec son ambassadeur parce que du coup il dira non je préfère être éliminé plutôt que ça soit mon pote qui parte. Hey, sauf que toi tu ne peux pas savoir qui sera ton ambassadeur. Non mais bon. Quand bien même. Tu peux envoyer un mec qui... Bon ouais, voilà. Aujourd'hui, les jaunes, donc l'équipe des 5 jaunes, ont choisi... Non, ils sont plus que 5. Oui, ils sont que 5. Les 5 jaunes ont choisi Marguerite. Est-ce qu'on peut revenir sur ce choix? Pourquoi Marguerite? Et est-ce que vous auriez fait la même chose? Alors, en gros, donc du coup, ce qui se passe, c'est que... Je pense que c'est Fabien qui dit, ce qu'on va faire, c'est que... Fabien Fabien, il balance Dario et Erdac, ils disent, leur objectif à eux, c'est de faire virer Sébastien. Ils veulent faire dégager Sébastien parce que... il est chiant, et ils veulent monter d'ailleurs un nouveau pacte, qui serait donc les 5 jaunes, donc c'est-à-dire Fabien, Maxime, Magali, Marvin, Tiffany, auquel ils rallieraient, donc j'imagine Mélanie et Sandrine, en fait quasiment tout le monde au final, oui. Tout le monde, sauf Romain et Sébastien, et Tuc Dual, tu vois. Et donc du coup, là l'idée c'est de dire qui est-ce qui va bien vouloir virer, comment il s'appelle, Sébastien, exactement. Donc ils hésitent un moment et puis quand même très vite il y a l'option, enfin ils hésitent entre les rouges, évidemment aucun nom de jaune n'est évoqué, hein, ni André ni Tuc Dual, enfin ancien jaune, et Marguerite revient plusieurs fois parce que en gros ils disent voilà, comment il s'appelle, Sébastien, il lui en met plein la gueule, donc forcément elle sera d'accord. Chez les rouges, qu'est-ce qui se passe? On se dit Fabien, il le mérite. Cassure. Ah oui, non, eux, ils se disent aussi, les jaunes, Marguerite, elle a jamais été sur l'île, du coup, il faut qu'elle ait un peu un avantage dans l'aventure. Mais ça, c'est une excuse. Ça, c'est une douille, ça. Ouais, c'est une douille. Oui, parce mais que ils arrivent voilà. À trouver l'idée de dire ça. Ce qui est quand même, déjà, ça demande pas mal de réflexion. Les rouges se disent, Fabien, c'est notre amour de toujours. C'est lui qui a fait le pacte des rouges, qu'ils ne savent toujours pas et est violemment brisé depuis qu'ils ont éliminé Caroline, il y a 2 épisodes. C'est-à-dire il y a 7 jours. C'est ça. Ils disent vraiment Fabien, forcément c'est notre roi, notre prince. Puis bon, il nous a déjà planté un coup de poignard quand il était content d'avoir gagné. Il va pas nous en planter un deuxième quand même. Don Fabiano. Et alors ces petites personnes donc se retrouvent à côté de Denis Brognard qui leur rappelle leurs règles. Alors déjà Marguerite est en PLS. Quand elle apprend que c'est elle qui est tirée, hein, déjà. Ah oui, il faut le rappeler. C'est quand même, elle est en mode, mais je ne sais pas quoi faire, j'aime pas ça. On vous rappelle Marguerite, chef de start-up, et elle nous dit, j'ai horreur de négocier. Alors là, si tu peux nous rappeler, Lucas, une situation dans laquelle ça pourrait être intéressant, quelqu'un qui n'aime pas négocier. Quand ton chauffagiste te fait un devis à 3000 balles pour changer 2 trucs de merde, et que tu te dis, oui, pas de soucis. Après, moi, je comprends que l'idée de négocier avec un mec qui a la moitié du visage tatoué, moi, je serais pas serein. Tu vois, quand même, je me dis, l'autre en face, même si, c'est vrai que nous, eux, tout ce qu'ils en ont vu, ils ont pas vu les phrases en italien et je chante le truc du parrain, ils ont juste vu le mec qui s'est tiré le matin et qu'il. Mais c'est quand même il est flippant, quoi. Moi, j'irais pas négocier avec lui. Hein. Bon, Louis, t'irais, toi? Moi, je dirais. Moi, je pense vraiment que. Moi, je dirais, évidemment, élimine n'importe qui tant que c'est pas moi, tu vois. Oui, carrément. Marguerite, elle fait comme si, oh là là, non, mais tu te rends compte, après, je suis une cible à abattre, mais ma pauvre, enfin, t'es déjà la première sur la liste de tout le monde, en fait, mon gueule, personne ne t'aime. La meuf, elle arrive, non, mais moi, vraiment, ma vie, c'est le paradis sur le camp, mais laisse tomber, c'est clair. La journée, elle passe son temps à chouiner en mode personne ne t'aime, nana. C'est vraiment horrible, elle m'a fait pitié. Moi, je pense que si. Et puis l'autre, elle a commencé en mode tout va de mal en pis, vraiment, c'est de Caribansi là. D'abord, je ne suis pas sur l'île, je sais pas quoi, là, le paradis perdu, et puis maintenant, Allez, elle est partie, on a dit c'est bon, c'est un rouge qui gicle. Le mieux, c'est qu'il y a le pauvre Tuc Dual qui est là et qui l'écoute parler et qui se dit putain, je suis vraiment mort, quoi, tu vois. Je suis mort. Oui, elle est en train de se plaindre. Et je suis foutu, quoi. Tu vois, il sourit, il est là avec son grand sourire de Tuc Dual, mais il se dit je suis vraiment dans la merde là. Alors chez les jaunes pendant ce temps-là, il y a quand même Maxime qui est persuadé que ça va être lui le négociateur, l'ambassadeur. Alors, moi, je comprends pas pourquoi il s'est dit ça va être moi, tu vois. Le mec, depuis le début, il est pas du tout dans la strat, tu vois. Non. Il est vraiment. Il a été, il s'est un peu relevé dans, enfin, dans, révélé dans cet épisode. Il est un peu, il fait un peu le duel de Zizi quand même, hein, Maxime. Ouais. Tu vois, dans ce truc un de, peu, ouais. Un peu, ouais. Il a du mal à digérer le fait que, bah, ouais, désolé, les rouges, mec, pendant que t'étais pas là, ils ont vécu sans toi, en fait. Ouais. Et il y a eu des nouveaux leaders, il y a eu des nouveaux gens. Et puis, en plus, Maxime, ça a jamais été un leader, enfin. Non. Non. Pas dans cette aventure, en tout cas. Il a jamais rien drivé. Enfin, je veux dire, non, il a fait un radeau avec Manu qui a coulé, quoi, c'est tout. Mais c'est ce que j'allais dire, de toute façon, tant qu'il y avait Manu, le leader charismatique, comment tu voulais qu'il ait un tout petit peu de place? Et ouais, mais surtout, donc déjà, comment est-ce qu'il a eu l'idée de se dire que ça allait être lui? Mais surtout, comment est-ce qu'il a eu l'idée de se dire que ça serait cool de dire à la télé 25 fois de suite, oh bah là, c'est sûr que c'est moi, hein, j'ai pas dormi la nuit puisque je sais que c'est moi. Donc là, hop, je vois arriver, tiens, comme par hasard, c'est moi qui le vois. Bon bah, il y a un moment, moi je dis, ça vous dérange pas si c'est moi, si c'est moi qui l'ouvre? Je veux dire, c'est moi. Il ouvre, et tu sais, on sent qu'il y a un N, et il se dit, ah bah, c'est bizarre, ils ont dû se tromper. Ils continuent à dérouler toutes les lettres. Incroyable. Ah bah, c'est Fabien. Bon. Oh, c'est trop drôle. Trop drôle. Oh, le con. Là. Bon, dans tous les cas, on se retrouve avec un face-à-face Marguerite-Fabien. Ouais. Jaune contre rouge. Enfin, blanc maintenant, puisque Denis leur retire leur drapeau, leur bannière et leur foulard en leur disant, quoi que les foulards, peut-être pas. En leur disant, voilà, maintenant, vous trouvez un terrain d'arrangement. Sur une île merdique, au passage. Un peu, oui. D'habitude, vous vous souvenez, c'était des espèces de, c'était pas le camp de la réunification avant? C'était vraiment des jolis camps, vous vous souvenez? Tout se fait sur la même île, en vrai. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a toujours ces espèces de, il y a deux falaises au loin, qui sont assez stylées quand même, tu vois. Et c'était exactement à cet endroit-là, et c'est toujours à cet endroit-là. Ok, ouais, bah, peut-être. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'ils ont toujours des sièges complètement pourris, quoi. Moi, j'ai pas envie de m'asseoir là-dessus. Ça a l'air horrible. C'est pour que les mecs se posent pas trop longtemps pour négocier, j'ai l'impression, parce que c'est genre un rondin. C'est des poteaux qu'ils utilisent plus tard, quoi. Les trucs sont 10 cm de diamètre. Tu t'asseras, ça te rentre dans le fion, quoi. C'est horrible. Bah, si tu te dilates un peu trop, c'est parti. Voilà, hein. On retrouve les fesses dans le sable. En mode, comment il s'appelle les films avec les mecs qui se font manger? Cannibal Holocaust. Yes, grave. Très très bonne référence, merci. Ah ouais. Un peu dégueulasse, mais. Bon, c'est pas grave. Donc Anna Marguerite, qui n'aimait pas négocier, mais qui malgré tout, et malgré les arguments de Fabien contre Sébastien, tient tête et dit oui, mais gna gna gna, il mérite, j'ai quand même pas envie de l'éliminer parce qu'il tient la route, quoi, comme aventurier. Et là, à ce moment-là, quand même, j'ai eu un peu le seum, je dois bien vous avouer. Me dire, mais qu'est-ce que c'était son moment, pour briller. Voilà, elle c'est a vraiment. Ça. Exactement. Elle a brûlé sa carte de sortie. Tu sens qu'elle pouvait tirer parti d'une situation alors qu'elle était quand même un peu dans la merde depuis mal de temps. C'est vraiment parce que les rouges ont gagné les épreuves d'immunité qu'elle a pas giclé, hein. Ça aurait fait 20 ans qu'elle Bien sûr. Ils préfèrent largement André à Marguerite, quoi. Peut-être pas les deux femmes, mais en tout cas les hommes, c'est sûr. Alors que Fabien était vraiment chaud pour qu'elle fasse vraiment partie intégrante de la stratégie, quoi. Oui, ouais. D'accord, je veux dire. Je sais pas. Au moins. Moi, ouais, voilà. C'est vraiment, je pense que c'est la surface. Quand il a dit, hein. Je te garde jusqu'à la fin. Jusqu'à. Je te promets l'orientation. Moi, j'ai cru. Mec, déjà, tu dis ton pacte, ils sont 8, l'orientation, c'est 4. Il y avait un problème, quand même. Fais tes maths, quoi. Bon, en même temps, l'hôtel disait, c'est vrai, ils sont très méchants avec moi, mais je peux pas les éliminer, donc fais tes maths aussi. Hein. Mais bon. À un moment, j'ai cru qu'elle a... À un moment, elle a commencé à donner Romain, et là, j'y ai cru. Et je me suis dit, ça aurait été quand même bien, tu vois. Enfin, dans tous les cas, ça aurait foutu un peu d'ambiance, quoi. Et ça aurait fait présager du fait, et les mecs, là, non, ça se passe pas comme ça maintenant, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu vois, j'aurais bien aimé un combat avec que des nuls. Tu vois, à la réunification. Qu'il n'y ait pas de mecs forts en épreuve, ça serait trop bien. Ça serait le cas qu'on a eu, on va en parler plus tard. La dernière avec la course d'orientation, par exemple. Ou l'épreuve individuelle dont on va parler plus tard dans l'émission. Ah oui. Tu vois, on avait que des épreuves comme ça. Moi, je suis aux anges. Vraiment, c'est génial. Mais on verra. Déjà, ça va plus vite. Donc, on se tape pas des montages de. Ah, c'est ça. Une des meilleures, tu vois. Tous les gars, ils tombent au bout de 3 minutes. Là, qu'est-ce qu'on va leur trouver à faire, putain. Donc, les ambassadeurs, ils se retrouvent avec une problématique, c'est que, il est clair qu'ils ne veulent pas aller à la boue noire. Oh bah, de toute façon, Fabien, il a dit qu'il irait pas. Voilà. Fabien. Et Marguerite, on sent qu'elle aurait un peu le seum d'y aller. Et là, à un moment, elle se dit, c'est soit moi, soit Tuc Duel. Et vraiment, son nom a jamais été évoqué pendant la discussion, quasiment jamais. Bah, elle a jamais dit, ça sera jamais Tugdual. Bah non. C'est pas si à un moment Fabien se dit, mais attends, le compte il est pas bon là. Il en reste un dont on parle jamais. Tu trouves ça ouf que, Lucas? Bah pourquoi pas André quoi. Enfin, je veux dire. Oui, clairement, oui. Enfin, c'est fou quoi. Et je veux dire. Parce que c'est une force dans les épreuves, je pense. Ouais, c'est juste un gros lardon qui a de la force dans les bras. En vrai, c'est rien de plus. Hein. Franchement. Puis on s'en fout, c'est la réunification. Il n'y en a plus besoin maintenant. Enfin, ça n'existe plus ça. C'est chacun pour sa peau. Oui, c'est vrai. C'est quand même la preuve qu'il y a quand même. Ils sont bêtes. Oui, mais ils n'ont rien compris au jeu. Ah, mais non, c'est ça. Je pense que Marguerite n'a jamais pensé qu'il y aurait que c'était elle toute seule, quoi. Oui, non, personne n'a compris. Koh-Lanta, ça fait quand même 18 ans qu'il y a des. Enfin, on est à la 18e saison. Les mecs n'ont toujours pas compris que. Ah merde, on n'est plus en équipe maintenant, en fait. Ah mais si, puisqu'on est toujours rouge depuis le premier épisode. Mais t'inquiète, hein, là on est 12, on va tous à l'orientation, il n'y a pas de souci. Hein, Bon, on fait pas durer le suspense plus longtemps. Bah non. Mais on vient d'en parler. C'est Marguerite drop le name de Tugdual. Qu'est-ce que je viens de dire? Marguerite cite le nom de Tugdual et Fabien, sans hésiter, dit « ça me va », se lève, lui tend la main. Elle lui attrape la main. Et voilà, le deal est conclu. Elle se sent coupable, hein, elle l'a mauvaise. Hein. Oui, mais bon, elle est bien contente aussi bien de rester là. Elle est bien contente d'avoir sauvé son cul. Ouais. Voilà, clairement. C'est ça. Ah bah, oui, alors ça aurait été tellement beau fleurs, que Marguerite, elle se fasse éliminer en jouant un barou d'honneur avec Fabien, ça aurait été trop bien. Mais qu'elle élimine Fabien sur de la chance, tu vois, ça aurait été incroyable. Quoi. Là, on aurait dit putain, mais la meuf, elle revient. Mais moi, je me serais dit putain, mais elle a porté ses couilles, quoi. Alors j'avais envie de vous poser une question. Pardon, vas-y, j'en parlerai après. Vas-y. J'en parle à chaque. Je crois que j'en ai déjà parlé aux ambassadeurs de la dernière, mais j'ai envie de le rappeler parce que c'était quand même un des meilleurs ambassadeurs de Koh-Lanta. Il y avait le mec qui était arrivé en disant, moi je veux qu'on fasse sauter lui. La meuf en face dit non. Au bout d'une demi-heure, elle fait ouais ok, on fait sauter lui. Et là le mec dit non, en fait c'était trop facile, on va à la boule, et il fait sauter la meuf en face. Tu vois, à la boule. Et l'autre, elle part en pleurant, et après, il revient sur son camp, il dit, bah, j'ai fait la boule et je l'ai virée. Et ils disent, mais t'es fou? Et il dit, bah, oui. Vas-y, à toi, Franck, je sais plus ce que tu voulais dire. Oui, mais moi, j'avais une question, c'est que par rapport, si vous aviez été ambassadeur, qu'est-ce que vous auriez fait à leur place dans cette saison? Alors, si j'étais dans quelle équipe? Dans l'absolu, si j'ai. Je m'en fous, choisis ton équipe. Ok. Donc moi, déjà, j'aurais été. Non, attends, choisis pas. Je choisis Lucas dans l'équipe rouge et Louis dans l'équipe jaune. Yes. Ok. Alors moi j'aurais dit donc ouais mais du coup Lucas c'est Marguerite donc je peux pas virer Marguerite. Ok. Oh c'est compliqué. Si t'as pas viré Marguerite. Il y a un aventurier en plus dans chaque équipe, savez-vous. Ah d'accord. Bon bah alors Marguerite direct. J'aurais dit écoute Marguerite, elle est pas gentille avec vous. Elle fait la maligne tout ça parce qu'elle a fait soi-disant des études d'ingénieur. Elle est dans sa boîte toute pourrie. C'est quoi une start-up où tu peux te barrer pendant 3 mois? Hein franchement. Elle est moche. Allez, vire-la, c'est une conne. Bon, c'est pas des arguments qu'un aventurier de Koh-Lanta aurait accepté. Elle sert à rien dans l'épreuve. Mais si, mais c'est parce qu'il coupe les bouts gênants. Oh, ça, je sais pas. Bon, ok. Moi, je comprends le choix de Marguerite, en vrai, parce que l'alliance de Fabien, il a quand même cette faille de, il y a quand même beaucoup trop de monde dans cette alliance, tu vois. Fabien, putain, mais quelle idée d'avoir un nom de merde comme ça aussi, putain. C'est chiant, c'est il l'a pas choisi, c'est les poules qui lui ont donné. C'est horrible. Ah, quelle horreur. Bon bref, et du coup. L'alliance de Fabien, bah elle est merguez, c'est tous ceux qui veulent changer le monde, quoi. Non, mais il y a trop de monde en fait, tu sais. Enfin, tu vois, clairement, en fait, je sais pas. Donc moi, je pense que j'aurais. En fait, le problème, c'est que je trouve que par rapport aux rouges, on a tellement peu vu la vie des rouges, on les a jamais vus dans les 5 dernières émissions. Du coup, j'ai aucune idée en fait, tu vois. Genre, le fait de, par exemple, pourquoi. Est-ce que Tugdual c'est ok de le virer, mais André c'est pas ok de le virer, je le comprends pas, tu vois. À quel point il est lié avec les rouges, il s'entend bien avec Mélanie, ok, mais maintenant avec les autres. Ouais, mais Tugdual aussi, de ouf, hein. Tu sais, les autres, quand il s'est fait éliminer, ils ont dit, ouais, nous on aurait pas viré toi, là, là. Ouais, d'accord, non, mais en même temps, ils avaient pas dit, ouais, bon débarras, tiens. Casse-toi le borgne. Et voilà, bah, je sais pas. Je pense que j'aurais été Tugdual au final. Si j'étais à la place de Marguerite, j'aurais été Tugdual. Parce que pour elle, c'est la même chose. En fait, Marguerite, elle va sauter dès qu'il y aura plus personne à faire sauter, évidemment. Ouais, non, moi vraiment, je pense que j'essaierais vraiment de faire sauter l'effort, quoi. Mais ouais, mais moi, j'aurais eu cette espèce d'honneur du samouraï, tu vois, un peu de, je suis foutu, donc je partirai pas seul, tu vois. C'est ça. Ouais, je sais pas, même pas, tu vois, non, mais en 10 ans, il est trop insupportable. En vrai, tu vois, je serais honnête et je dirais, Je reviendrai sur le camp en disant bah voilà, j'ai viré machin parce qu'il est trop fort et que ça donne une opportunité en plus pour tout le monde, tu vois. Essayer de tourner un peu le truc pour faire semblant que c'est un avantage pour les autres, tu sais. Ça donne une chance en plus pour les autres. C'est vrai. Qui va pas avoir le totem d'immunité à chaque fois. Et je dis ah bah voilà, j'ai été humilié Romain parce que archi malin de Mickey Romain avec son collier d'immunité à la con quoi. Bah voilà. Ce qu'ils ont tenté de faire par le biais de l'immunité après. Enfin, on va revenir dessus. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Les mecs qui se retrouvent sur le camp, l'île rouge. Ouais, parce qu'il y a la bouffe là-bas. Tu veux parler de l'île de Seb? Quel salopard. Quel enculé. Bon, et en gros, Marvin et Tugdual savent qu'ils sont dans la merde et passent leur temps à se dire ouais, on est dans la merde. Les autres font semblant de penser que ça va pas être eux. Il y a Maxime qui commence à pas pouvoir piffrer Sébastien. Ah ouais, puis monumentalement quoi. Vraiment les deux coqs qui se battent là. Tu vas peut-être me laisser faire la cuisine. Putain, oh là là. J'aurais le droit de la faire une fois par semaine. De temps en temps, tu pourras. Mais surtout, vraiment, pour le coup, alors Seb il est vraiment détestable, mais pour le coup, là il avait vraiment rien fait. Il était en mode ouais, bah non, pas de soucis, t'inquiète, on fera ensemble et tout. Non mais surtout, alors je vais dire quelque chose d'un peu machiste. Mais c'est quoi ces mecs qui se prennent pour des mal-alpha et qui font à manger, tu vois? Enfin, je veux dire, si vous voulez être des gros cons et vous prendre pour des mal-alpha, soyez des vrais machos et dites aux gonzesses de faire à manger, putain. Alors, je précise... Bah attends, l'autre, il est chef Wisto. Ouais. Ouais, non, mais d'accord. Mais je précise, hein, c'est juste de l'humour. J'adore cuisiner tout ça, mais c'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des bouffons. Vraiment, c'est des bouffons. Ils sont ridicules. Non, enfin, ils se prennent pour des oufs en mode « c'est moi qui mettrai le riz dans la casserole, hein. Waouh !» C'est moi qui ai mis la recette des cocos grillés sur Marmiton, donc tu vas fermer ta gueule maintenant. Waouh, trop malin la coco grillée. Premier commentaire, Fabien. Waouh, j'y avais jamais pensé. Smiley clin d'œil. Alors par contre, on se rend compte des vivres que les rouges ont gardés dans leur boîte. Ah ouais, alors ça, j'ai pas trop regardé, ouais. En ce moment, en mon ode, il y a vraiment beaucoup de légumes, fruits et trucs. Ils ont vraiment plein de trucs qu'on n'a jamais vu. Enfin, on les a jamais vus chercher, en fait. Et on l'a jamais vu chez les jeunes, ouais. Donc les jeunes sont un peu sur le cul. C'est aussi le moment des retrouvailles entre André et Marvin. Alors, pour le coup, là-dessus, il y a quand même quelque chose. C'est que André, il est très excité de le voir. Il a un peu la quéquette qui est toute dure, quoi. Et Marvin, lui, par contre, bah, il est un peu sur la réserve. Au début, quand même, avant qu'il se revoie, il dit, ouais, bon, moi maintenant, c'est les 5 jaunes, quoi. Le reste, ouais. C'était avant. Donc là, je me suis dit, ah, tiens, il va peut-être le backstab ou un truc comme ça. Et puis finalement, après, il dit, c'est revenu comme avant. Bon. Voilà. Alors qu'on le voit pas si bien que ça, en fait. C'est ça, on nous l'a pas montré beaucoup. Mais en même temps, est-ce que c'est très intéressant de les voir faire des câlins sur la plage? Non. Oh, des moments ils font des petites blagues au retour d'après l'immunité et franchement ils ont l'air d'être contents d'être ensemble. Mais c'est là que reviennent Marguerite et Fabian, les deux ambassadeurs, avec une lourde nouvelle à annoncer à cette tribu réunifiée. Évidemment, ils vont annoncer que bah voilà, on a choisi Tugdual, ton aventure se termine ici parce que t'es pas intégré, parce que tu te sous-estimes, parce qu'il y avait aussi ce truc de Sébastien qui lui a dit « Mais tu te sous-estimes !» Putain, j'avais tellement envie de lui faire fermer sa gueule. Oh là là, putain. Ouais. C'est vrai qu'il s'était un peu tiré une balle dans le pied en disant à l'épreuve précédente. Ça m'a pas choqué qu'il dise ça. Moi, ça m'a pas choqué non plus. Ça, c'est genre intelligent. On sent juste le mec qui réfléchit, tu vois. Bah, c'est et ça. Et là, Sébastien, il value les abrutis comme la Golgotte qui disent oh, j'en vais tout donner. Et puis après, ça se met à chialer entre deux planches de bois. Il y a des jambes qui me font mal. Bah, c'est bon, allez. Pas possible, il y a un moment. Mais bon, c'est le moment, c'était le moment pour Tugdual d'annoncer et d'expliquer un petit peu son passé, sa situation, son état d'esprit dans Koh Lanta. Lucas, est-ce que tu veux en parler parce que ça a été un peu ton espoir de candidat pendant toute cette saison? Ah bah moi, c'est mon candidat, ça reste mon candidat préféré, voilà, je le kiffe. Du coup, il a expliqué que en fait, il avait pas de vision à l'œil gauche en fait. Qu'il était, comme il a dit, en fait, qu'il était borgne, qu'il voyait que avec son œil droit, et que, bah, dans le passé, ça lui avait posé des soucis parce qu'il avait, ouais, il a expliqué, voilà, j'imagine qu'il a pas eu forcément une enfance facile, avait à base de appareils, opérations dans tous les sens, et que du coup il avait sûrement eu pas forcément très confiance en lui dans le passé, que c'était allé mieux, et puis que ce qu'il a dit c'est qu'à Koh Lanta il avait très vite retrouvé ses vieux démons et pas forcément eu confiance en lui. En tout cas je trouvais ça cool qu'il le dise, enfin j'ai senti qu'il avait besoin de le dire, tu vois. Ouais, c'est bien qu'il l'ait dit, il y avait aucune raison de le garder pour lui. Et moi je suis déçu qu'il parte maintenant parce que je trouve que voilà, il a pas eu l'occasion de s'exprimer. Je suis sûr qu'il avait plein de choses à faire et plein de choses à dire. Il était pas ridicule en épreuve, il se donnait sur le camp. Franchement non. Et puis je suis sûr que voilà, c'est un mec qui comprend plus ou moins, il comprend la stratégie sans être un espèce de malade mental un peu bizarre à la Fabien, tu vois. Donc ça serait plus intéressant en vrai à long terme de voir des mecs comme ça. Tu vois, c'est des genres de gars qui pourraient faire de la stratégie sur plein de semaines sans se faire griller s'il en avait les moyens, quoi. Donc du coup bah c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il ait été très vite placé sous cette espèce de la dictature des rouges et que la prod ait pas essayé d'en sortir, quoi. C'est un peu dommage. Voilà. Moi j'aurais adoré le voir sur le camp des jaunes en fait. Après, ouais, j'aurais aimé qu'il soit de ce côté-là. Et franchement, il aurait été plus intéressant. Il aurait canalisé Fabien, il aurait peut-être. Ouais. Je pense que c'est le genre de mec, tu sais, il est au milieu quand il y a deux groupes, il fait lien et tout. C'est peut-être ça qui lui a porté préjudice, tu vois. Mais plutôt qu'une Magali, tu sais, qui réfléchit une demi-heure pour sauver sa place, tu vois. À partir du moment où t'as une équipe qui a un pacte, qui passe son temps, qui tous les trois jours se réunissent sur une île à deux pour discuter de ce qu'ils font. Enfin, tu vois, il y avait rien à faire en fait. En vrai, non, malheureusement, il avait aucune marche, tu vois. Et du coup, il a fait plein de trucs sur le camp. Les mecs disaient, ouais, c'est vrai, il fait plein de trucs sur le camp. C'est vraiment un bon gars. Il a quand même réussi à éviter de se faire têche dès le début en se butant sur certaines épreuves. Je sais pas si vous vous souvenez. Enfin, là-dessus, les gens à blâmer, c'est pas les rouges, hein. Moi, je pense que c'est les jaunes qui ont fait un mauvais choix en prenant Marguerite et en se disant pas qu'il fallait être mûr à lier un ancien jaune à leur cause. C'est débile, tu vois. De la même manière que d'ailleurs, les rouges ont fait une erreur. Moi, j'aurais pris à leur place, j'aurais pris Sandrine, moi. Parce que bah le côté je sais pas Fabien a fondé s'est mis d'accord moi, avec elle. Je suis pas sûr. Moi j'aurais pris Tuque Duhal moi en fait en ambassadeur moi à leur place. Tuque Duhal il aurait vendu Romain sans aucune race. Ouais pas faux. Oui mais eux ils voulaient pas eux. Ah mais si putain mais je suis con bien sûr que si ouais carrément. Ouais, il aurait viré Romain ou Sébastien tu vois. Oui bah ce qui est sûr c'est que j'aurais pas pris Marguerite. Il y avait une inconnue de ouf quoi. Mais ouais et puis surtout. Oh, je suis désolé, je viens d'oublier complètement ce que j'allais dire. Putain, c'était pas si con que ça en plus. Non, mais bon, pas de soucis. Non, moi j'aurais pas pris Marguerite. Effectivement, je pense que j'aurais pris soit André, soit Tuque Duhal, soit. Ouais, peut-être pas André, con, parce que peut-être André il aurait été trop copain. Non, mais effectivement, moi j'aurais pris Tuque Duhal ou Sandrine en ambassadeur. Parce que Sandrine, elle s'est mise d'accord avec Fabien de Tej quelqu'un. En tout cas, à ce moment-là. Parce qu'après, ils retournent tous leur veste, etc. Elle a dit, j'entends tes arguments. Elle a juste écouté, hein. Non, mais elle a dit, elle a dit, je le garde de côté, tu vois. Donc, je pense qu'elle est pas, conne non plus à ce niveau-là, tu vois. Elle aurait pas été à la boule noire. Je pense qu'elle aurait essayé à tâcher quelqu'un aussi, tu vois. Je pense que ça aurait été moins compliqué, ah oui, moins chiant qu'avec Marguerite. En vrai, les rouges, ils ont aussi eu de la chance parce qu'ils ont fait une connerie en envoyant Fabien, hein. Alors, ils se sont pas trop rendu compte qu'ils s'en sont mal sortis. Mais carrément. Ils auraient pu vraiment faire balancer Fabien quoi. Romain. Et là ils auraient compris. Et là quand Tuque Duhal part, les mecs réalisent pas que en fait ils viennent d'éliminer un rouge et que donc Marguerite en disant j'ai fait ce que j'ai pu, elle a surtout évité. Enfin elle. Ouais voilà, elle a masqué la trahison. Enfin bref, on va avancer quand même messieurs. Gros bisous à Tuque Duhal. Au revoir Tuque Duhal. On s'excuse fort pour toutes les blagues qu'on a faites sur toi, Fabien. Ouais. On est désolé, on regrette. Et on espère que tu trouveras plein de confiance en toi. Bah moi, j'espère pas les effacer, malheureusement. Il fera un superstar ou un all-star. Ou alors il va aux anges. Oh non, voilà. Oh non. T'as deux choses à faire, Tuque Duhal. Choisis bien. Non. Ma maman a parlé d'une émission qui serait genre un Koh-Lanta, mais avec que des gens qui parlent des langages différents. Et du coup, moi, j'aimerais bien voir Tuque Duhal là-dedans, tu vois. Genre, j'imagine bien. Ouais, tu vois. Je suis sûr qu'il parle bien anglais, tu vois. Il est CM. Enfin, tu vois, tu sens que c'est. Oui. Je pense qu'en fait, c'est un mec comme nous, Tuque Duhal. Tu vois, je sens que c'est un petit nerd, je sais pas. C'est pour ça que je l'aime bien aussi, je pense. Je pense que ça pourrait être mon pote, en fait. Oui, carrément. Bon, de toute façon, si tu peux pas être pote avec Tuque Duhal, t'as des problèmes mentaux. Ouais, j'avoue, ouais, t'es vraiment un grand enculé. Voilà, y a pas d'autre mot. Ouais, c'est ça. Alors, c'est aussi le moment où Fabien, sur la plage, dans l'eau, dévoile la stratégie à Mélanie, qui ne la connaissait pas encore, en compagnie de Sandrine la Golgothe. Et, bon, sur le coup, les avis sont un peu mitigés, les deux se taisent, mais il se trouve qu'en arrière-plan, Mélanie est quand même assez réticente à cette stratégie, et elle fait un peu cogiter Sandrine. qui elle aussi de son côté se dit c'est vrai que c'est pas forcément très très juste. Et là encore une fois, j'ai envie de revenir vers vous en me disant est-ce que vous la joueriez juste, mérite ou stratégique comme Fabien? Moi, je pense que j'essaierais de la jouer comme Fabien. Je voulais comme Beckham. Non, je la jouerais comme Fabien aussi. Ouais. Mais grave. Mais non, mais surtout, en fait, ils sont à un stade où il y a des mecs qui peuvent plus. Enfin, ils se rendent compte. Enfin, je trouve ça ouf que personne se rende compte que là, ils sont à un stade où ils peuvent plus se permettre de compter ni sur l'équipe puisqu'il y en aura plus, ni sur eux-mêmes parce qu'ils seront évidemment battus par des gens plus forts. Enfin, tu vois. Oui, moi, pour moi, à chaque étape. Enfin, la Golgoth, je veux dire, j'ai rien vraiment contre elle, mais elle devrait se rendre compte que. Peut-être qu'elle va gagner, mais ça sera sûrement avec plus de chance que les autres, tu vois. Et du coup, il faudrait qu'elle comprenne qu'il est temps de commencer à faire en sorte de réfléchir à comment elle pourra sauver son cul à un moment, quoi. Le problème, en fait, c'est qu'ils jouent tous, pas pour gagner, mais pour rester le plus longtemps possible, en fait. Et du coup, il y a ce truc de « Oh bah, je vais partir au bout du 10e jour, mais au moins, je partirai pas au bout du 7e. » Voilà. Et je tant pense pis si que... je fous tout ouais. en l'air au 7e, du coup. Et du coup, c'est nul. Enfin, c'est pas intéressant, tu vois, parce qu'il y a, bah, en fait, ils jouent tous ultra, la sécurité, quoi, safe. Et c'est chiant. C'est ultra chiant. Alors, je sais pas s'ils pourraient trouver un truc, genre, en disant, tu vois, parce que, il y a aussi le truc atteindre la réunification. Ça veut dire qu'après, tu restes pendant 2 semaines sur une île paradisiaque et tu reviens au conseil, tu vois. Donc, peut-être qu'il faudrait faire un truc comme ça, genre, quand tu perds, en fait, on t'envoie sur une autre île et tu continues ton Koh Lanta, juste t'es pas filmé, tu vois, je sais pas, mais trouve un truc pour qu'ils arrêtent de jouer la sécurité, parce que c'est insupportable, quoi. C'est ça qui fait qu'en France, c'est pas intéressant. Et ça rend les choses un peu tristes. On est d'accord. Oui. On va enchaîner sur une épreuve individuelle. Première épreuve individuelle. Individuelle. De cette épreuve, non, de cette saison de Koh Lanta au Fidji, où on se retrouve avec une épreuve classique. De Koh Lanta, mythique, comme dirait Denis. Comme dirait Denis, qui nous a fait une petite démonstration, non pas dans les vidéos en ligne, mais directement dans l'émission. Ouais. Dans l'émission, et c'était quand on même. J'ai cru qu'il allait se casser une cheville en descendant. Un petit je sais peu. Pas si vous avez vu, je me suis dit, putain, dis donc. Donc, on a deux planches qui ne sont légèrement inclinées, sur lesquelles doivent se suspendre, se tenir en équilibre les candidats. Le premier à tomber, ne lui arrive rien. Il est éliminé comme les autres. En tout cas, le dernier à rester, lui, remportera. Oui. Le dernier à rester remportera le totem d'immunité qu'il protégera au conseil suivant. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça tombe vite dans cette épreuve. Oh putain, oui. Domino Day. Ouais, exactement, ouais. Il faut y avoir Dave en train de commenter. Et allez, hop, oh là là, c'était très beau, c'était très beau. c'est un peu drapeau son accent. Norvégien. Qui tombe en premier, je ne sais plus, mais ça au bout de 40 Tiffany. Secondes, je crois. Tiffany, elle glisse. 40 secondes, 1 minute 15, il y a André qui est tombé. 2 minutes, il y en a un autre. 2 minutes 45, il y en a encore Marvin, un autre. Ouais, c'est l'hécatombe. Hein, surtout à 5 minutes, il n'y a plus aucun jaune, en vrai. Oui. Enfin, il n'y a plus aucun ancien jeune. Maintenant, c'est très reste la finale se joue en réalité entre bon, c'est un petit trio entre Seb, dira, ouais. Seb qui se la pète vraiment. J'avais envie de le baffer sur le truc. Merde. Donc il y avait Seb, Mélanie et Sandrine. Et on va parler un petit peu du cas Sandrine parce que vraiment ça a été le truc qui m'a fait mourir de rire dans cet épisode. Sandrine, la Golgoth. Qui est au bout de ses forces. Elle s'est mis à chialer, on sent qu'elle souffre. Elle sent qu'elle souffre. Et là, il y a Denis qui dit, Sandrine, ça va? Elle ne dit rien, elle pleure. Elle... Denis, je peux plus bouger, est-ce que quelqu'un peut venir me chercher pour descendre? La malade. La folle. Mais franchement, c'est tout à son honneur parce qu'elle a mais vraiment respect tout donné. Éternel, respect alors, éternel. On peut peut-être se questionner de la volonté à vouloir continuer autant alors que vraiment les mecs à côté sont en mode oh, moi je peux tenir 3 heures et oui, t'avais vraiment l'air d'être le gars vraiment. Bah ouais, le problème c'est que peut-être que ça fait un argument de plus pour se dire qu'elle est peut-être un peu musclée du haut mais elle est quand même pas trop musclée du très très haut, c'est-à-dire de la tête quoi. Vraiment c'est une catastrophe. Hein. Moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je la trouve vraiment bête. Oui, enfin ouais, vous dites ça de tous les candidats donc forcément. Non. Ah, écoute, Franck, quand t'as un QI de 140 comme nous, t'es un peu exigeant avec les autres, hein, voilà. Excusez-moi, messieurs les zèbres. Duel n'est pas bête, par exemple. Non, mais en même temps, il a rien fait dans l'aventure et il s'est fait tel, non, donc non. Non, mais, si tu veux, il y a non, quand même une leçon qu'on a appris, lui, au moins. Ouais. le mec il faut une. Moi je serais pas étonné si la semaine prochaine Sandrine un matin elle se lève, elle dit j'arrive plus à marcher et qu'elle rentre bah comme voilà, une couillonne. C'est pour ça que je dis que c'est débile. Ça. Et du coup Marvin serait sauvé une troisième fois. Il a dit jamais 203. Ah merde, j'ai spoilé l'élimination finale. Bon tant pis. Non, il a dit ça avant d'être éliminé. Il y avait eu un mec, par exemple, il y a eu une épreuve d'apnée, il y avait un mec qui avait fait le kéké et qui était resté une minute en plus sous l'eau et trois jours après, ah oui, boum, à l'hôpital, hein, tu vois. Et à chaque fois, c'est pareil, les mecs qui font les kékés et qui veulent trop en faire, boum, Koh-Lanta, ça pardonne pas. Hein. Voilà. Surtout qu'elle risquait pas d'être éliminée, c'était pas Marvin. Donc, victoire de Sébastien qui se la pète. Oh là là. Vraiment, je le déteste. Vraiment, je le déteste. Et c'est à ce moment-là que Denis leur annonce qu'en préparation du conseil... Il y a des nouveaux colliers sur leur île. Des colliers d'immunité qui sont échangeables. Comment il a dit sécable ou je sais plus quoi. Il a dit un terme et on va coucher dehors. Oui, je ne sais plus. Les mecs se sont regardés en mode ça veut dire qu'on va pouvoir les séparer en 45. Et là, à ce moment-là, mais je me suis posé vraiment la question. Il reste combien? 5? Non, peut-être 6 coffres sur l'île du paradis perdu. Que devient l'île du paradis perdu à ce stade de l'aventure? Bonne question. On n'a pas la réponse. Je pense que c'est terminé. Moi, j'ai pensé que c'était fini, ouais. Mais je trouve ça nul. Peut-être qu'il va y avoir des épreuves de confort dont la victoire sera aller sur... Moi, en fait, je me suis dit, le truc bien, ce serait d'avoir des épreuves de confort où les mecs peuvent choisir entre le confort et aller sur l'île perdue. Ouais, ouais. Ou alors le confort et ils nomment quelqu'un pour y aller ou un truc comme ça. En tout cas, ce serait bien que ça continue parce que c'est ça qui permettait de mettre... C'est ça qui a mis un peu surtout, de sel dans les sinon, il y avait... En fait, sinon, il n'y avait aucun intérêt à mettre 11 coffres. Oui, bah, à part faire en sorte qu'au moins, ils arrivent à en trouver quelques-uns en tombant dessus au hasard. Oui, mais tu peux juste les rendre plus facilement trouvables et puis c'est réglé, quoi. Ouais, carrément. Tandis que là, il y en a 11, donc logiquement, tu vois, là, on est au 8e épisode. Il y en a un où ils n'ont pas été, donc ils en ont été que pendant 7 épisodes. Ouais. Ils n'en ont pas tous trouvé, je crois que c'est 5 ou 6. Donc là, ça fait qu'il y a encore, normalement, dans l'histoire de Koh-Lanta, au moins 3 trucs à trouver, quoi. Ou alors, il y a eu un changement de programme et ils ont décidé de faire la réunification plus tôt. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me pose vraiment la question et je trouverais ça dommage de se débarrasser d'un truc comme ça d'un jour à l'autre, quoi. Qui était la bonne idée de la saison, hein, quand même. Oui, ça servait à la stratégie, mais... Heureusement qu'il y avait ça, hein, quand même. Ouais, mais ça a mal été utilisé. Enfin, tu vois, ils créent des monstres et ils les contrôlent pas et à la fin ils disent, putain, merde, ça se passe pas comme on voulait. Bon, ouais, on a mis 200 colliers sur votre île. Voilà. C'est chiant. Et, j'ai l'impression qu'en fait, les mecs de Koh-Lanta, ils se disent, quand même, on va pas trop truquer. En gros, influer le jeu, sinon après, Gilles Verdez, surtout pas à mon poste, il va crier, mais Koh-Lanta, c'est truqué. Hein, c'est un jeu, il est truqué de toute façon. Et ça ne respecte pas les femmes. Surtout que les seuls moments qui est bien, c'est quand il y a un mec qui arrive à survivre une semaine dans une forêt, on sait pas comment tout seul. Les gars qui trouvent des cochons comme par hasard la veille de se faire éliminer. Mais oui, on s'en fout, on s'en bat les couilles, évidemment, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, c'est regarder une série. Il faudrait tout se truquer. Voilà, tu vois, moi je m'en fous. Moi, ce que je disais la dernière fois, l'île du paradis perdu, tu trouves un truc pour que déjà, ça soit pas les... Enfin, cette espèce de truc où c'est censé y avoir des consensus entre des gens. C'est comme un truc de ouf, c'est qu'on dit, vous devez désigner. Mais genre, il y a aucun mode de désignation. Toi, c'est comme si on disait, en France, désigner le président. Voilà, hop, mettez-vous d'accord, T'imagines, mon gars? Genre, nous, tu nous fais ça, mon gars, il y a une baston générale, tout le monde meurt, tu vois. Et non, eux, ils sont là, enfin, on est trois, on n'est pas d'accord, mais bon, on va rien dire. Je sais pas, il y a des fois, il y a même des mecs, ils sont genre, il y avait trois anciens rouges, trois anciens jaunes, et trois anciens jaunes, ils ont rien dit, tu vois. Ouais. Et ça m'énerve qu'il n'y ait pas des moyens qui soient que ça pas genre ouais décidez-vous, non, il faut qu'il y ait un truc où on dit quitte à même ils font un vote, c'est la majorité qui décide ou je ne sais quoi, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et ou alors que les capitaines ils aient un vrai rôle, tu vois, ce serait peut-être plus marrant s'il y avait des gens qui avaient plus d'importance que d'autres dans les équipes, je ne sais pas. Et puis après, une fois que tu sais qui va dessus, tu changes tous les coffres, tu mets exactement ce que tu veux que le mec il est dedans, et peu importe le coffre qu'il trouve, tu lui donnes ce que tu veux qu'il trouve, on s'en fout, j'en ai rien à foutre. Moi, si c'est pour qu'à la fin il se retrouve avec un truc qui sert à rien, ça nous emmerde, ça, on a perdu une demi-heure, quoi. On est bien d'accord. Une double épreuve de confort. Tu nous mets Bernard Tapie à la production chez... Voilà, c'est mieux. chez Koh-Lanta et hop, c'est bon. Déva, il va te sortir 500 000 euros sortis si des fagots. Ouais, c'est ça, t'as même pas besoin de gagner pour... tu vas sur l'île et puis tu fais semblant de trouver ce truc-là. Ok, pas de soucis, d'accord. Allez, t'inquiète pas. Porte plainte contre le Crédit Lyonnais. T'inquiète pas, Jojo, c'est bon, je t'arrête cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il y a? Combien t'en veux des colliers, hein? 50, t'inquiète, je les paye. On fait fabriquer ça en Chine, ça vaut rien, mon gars. Regarde, les trois coquillages, allez. Préparation au conseil, après cette épreuve individuelle. Alors, c'est vraiment la séquence de l'épisode que, moi, j'ai trouvé vraiment pas intéressant. Oui. Donc là, entre cette, l'épreuve individuelle et le conseil, il s'est vraiment rien passé d'intéressant. Rien ne s'est... Il y a rien eu de décisif oui, sur les votes, en fait. C'est ce que tu allais dire, et c'est vraiment ça. Il n'y a rien qu'à changer. À part, Maxime commence à avoir les chocottes en mode, quand même, ça me fait un peu mal au cul de leur mentir par devant et de les éliminer par derrière, si je peux me permettre. Oui, oui. Et c'est tout. Tout le monde dit, je vais exercer, je sais pas quoi, du, c'est quoi leur truc, c'est pas du mafé, du yams, pour faire semblant, en fait, ils vont tous chercher les colliers, c'est voilà. Pendant ce temps-là, Marvin et André se mettent des coups de coude dans les côtes en mode, vraiment, ils nous font trop marrer, ils disent tous qu'ils vont chercher des trucs, mais en fait, ils vont chercher des colliers. Ça passe dans la tête de personne d'aller en chercher un, c'est pas comme s'ils étaient en danger, enfin bref, vraiment, c'est facepalm permanent pendant tout ce moment-là. Et donc, on se retrouve au conseil. Ou finalement, Denis pose quelques questions sur la réunification, le départ de Manu, de Tuc Duel, tout ça, mais bon, rien de très exceptionnel. En vrai, ils ont cuté, à mon avis, beaucoup de ce qui a été dit pour en arriver à ce qui arrive après. Et donc, on se retrouve avec des votes où on a autant de votes pour Romain que pour Marvin. Et un vote au milieu qui vote pour Fabien. Voilà. En pleurant sa mère. Non, mais vraiment. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, Maxime retourne sa veste. Maxime, pris dans le doute. Oh, quelle zoulette! Mais quelle grosse zoulette! On le voit se mettre à pleurer en écrivant le nom de Fabien. Qu'est-ce qu'il dit, franchement? Qu'est-ce qu'il dit? J'en ai marre de tous ces, je sais plus quoi. À partir de demain, j'arrête. Voilà, ces au lieu de commencer à partir de maintenant, enfin genre vraiment, il suffisait de voter comme tout le monde avait dit, ils auraient compris et tu disais bon bah c'est bon, je suis désolé, la personne va te remercier d'avoir foutu en l'air le vote en votant pas, tu vois. Donc on se retrouve avec 5 votes pour Romain, 5 votes pour Marvin et 1 vote pour Fabien. Donc deuxième vote. Et moi je me dis mais bordel, c'est pas possible, on peut pas avoir 2 semaines d'affilée un tirage à une élimination, un tirage à la boule noire. C'est improbable, il va forcément changer son vote. Et effectivement. Oui. Effectivement. Ah mais il est obligé, Franck. Il est obligé. Il doit soit voter Maxime, soit il n'a pas le droit de voter Fabien. Ah bah oui, c'est vrai, il ça. Il n'a pas le droit de voter Fabien, ouais. Et donc, il n'y avait pas de tirage, impossible. Il décide de voter pour Marvin. Ce qui fait pencher la balance pour Marvin. Alors que lui aussi, il avait la possibilité d'éliminer un mec fort. Moi, je comprends vraiment pas ce truc-là. Oui. Ils auraient pu têche. Vous en rendez compte qu'en 2 conseils, enfin en les ambassadeurs, Romain et Seb. Exactement. Ils auraient pu têche Romain et Seb. Non mais surtout Romain, pas il besoin sert à de faire semblant au rouge pour pas élire. Tu vois, parce qu'au pire les rouges, les autres ils auraient voté tous Fabien. C'est pas grave, ils avaient quand même plus de voix les ex jaunes et nouveaux rouges quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout en sachant que Romain avait le collier, franchement, ben oui, moi à en ambassadeur, j'aurais essayé de le têche, comme ça fait un collier en moins, une amulette en moins. Donc là, t'es tranquille. Lui, il a plus de protection. Là, elle est niquée. Et après, tu niques l'autre. Bah, tu reprends le contrôle un peu du jeu, quoi. Mais au oui lieu de faire semblant que tu maîtrises tout sur ton camp où tout le monde mais est d'accord. C'est clair, avec toi, il y en a marre de ces zoulettes. Oh, et lui, vraiment, qui se met à baisser son froc parce non, que mais... ça s'arrête pas là. C'est pas possible. Marvin prend son flambeau. Denis dit cette phrase mythique. Louis. C'est quoi la les phrase? Aventuriers de Koh-Lanta ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Alors, c'est les candidats c'est le nouveau, de... Non, la c'est tribu quoi réunifiée. Voilà, la tribu réunifiée. C'est vrai, c'est exactement. Vrai, pardon. Bon, bah, j'ai chié, excusez-moi. Et là, vraiment, Maxime baisse son froc. Parce que Denis demande qu'est-ce qui se passe, gna gna gna. Je sais plus quoi, je sais plus Marvin, ce qu'il dit. Marvin, il a la mauvaise. Marvin, il a la mauvaise. Parce que ça fait, lui, il sait quand même que c'est pas vraiment irrévocable puisqu'il est revenu, mais il se dit, disons que... Ça serait peut-être bien qu'on arrête de jouer à ce jeu-là à chaque fois, quoi. Et du coup, bah là, il dit, je comprends pas, il y a quelqu'un qui a baissé son fut, quoi. Et là, il y a l'autre qui se met à chialouiller. Je suis désolé, Marvin, moi, c'est voilà, moi. Voilà, c'est moi, bah, le dis, c'est moi, voilà. Et là, il se met à révéler tout le plan, toute la stratégie de Sébastien. tout ce qu'il avait sur le cœur, il l'a dit à la stratégie de Fabien. Fabien, en disant à Sébastien. En disant à tout le monde. Ouais, on voulait les humilier, l'éliminer lui. Ensuite, le Romain. Ensuite, faire machin. Faire ci, faire ça. Vraiment, il met tout sur la table. Il dit tout comme... Vraiment, il baisse son froc devant tout le monde. C'est scandaleux. Vraiment, j'étais là. Mais non! Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de niquer l'aventure. Enfin, il suicide. Il nique tout le monde. Parce que je pense qu'il pense pas une seule seconde que les mecs vont dire, oh, merci d'avoir été honnête et on te pardonne. Tu vois, vraiment, c'est pas possible. Donc, ah, vraiment, mais moi, c'est, je serais c'est à la place des autres, mais c'est ma cible, mais quoi. Oui. Il est même pas, mais, tu vois, tu vas pas garder un mec comme ça qui est même pas capable de faire une stratégie alors que tout va bien. Bah là, si je suis à leur place, évidemment, direct, je target Fabien et Maxime, quoi. Et oui. Bah, c'est ça que le mec, il a trahi tout le monde. Je préfère avoir Fabien avec moi qui est plus malin. Oui, c'est ça. Le mec, c'est vraiment, c'est un nul. Il a trahi, le mec a réussi à trahir tout le monde. C'est ça qui est trop bien. Il a trahi Marvin. Le mec, il se dit, oh, je vais voter pour personne. Il faut pas que je vote pour un des mecs en danger. Oh, bah, j'ai qu'à voter pour mon meilleur pote. Tu vois, même ça. Genre, Fabien, il est la mauvaise. Quand il va le vote, il se dit, attends, c'est quoi, tu mets Marguerite pour, voilà, tu mets n'importe qui, tu vois, tu t'en fous. Tu mets n'importe qui. Mais pas Fabien. Malheureux. Oh là là, vraiment. Vraiment, là, il fout l'aventure en l'air. Et j'ai très très peur de ce qui va arriver à ensuite. Parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir repartir de zéro, quoi. Mais niveau strat et tout. Le pack des rouges, l'avantage de ça, c'est que le pack des rouges est foutu. Parce que Maxime est dead et Fabien est dead. Donc ce qui veut dire qu'au final, bah mais t'as toujours ce cœur de Sandrine, Mélanie. Oui, parce que Marvin, oui, le retour du vote noir, effectivement. Est-ce qu'on fait les comptes là? On va faire les comptes. Alors attends, déjà il y a le retour du vote noir. C'est-à-dire que Marvin a la possibilité de donner un vote supplémentaire à quelqu'un, en l'occurrence, il le donne à Magali, qui nous a valu un très beau tweet, un très beau tweet, tiens. Vous connaissez le tweet de Twitter. Twitter, mon gars, avec un petit cochon. Oh, ce serait trop mignon, j'en mets un Twitter rose maintenant. Bon, un petit poisson. Ah ouais, non. Donc il donne son vote, et je ne sais plus qui nous a fait un tweet qui disait « Bravo le racisme de donner le vote noir à Magali ». Et donc tu nous disais, Lucas. C'est important, il faut faire les comptes. Donc d'un côté, on a Sébastien, Romain, Mélanie, Sandrine Marguerite. Et Marguerite. Donc ils sont 5, c'est ça? Oui. En face, on a Marvin. André. Ah, ouais. André, Marvin. André. Ah bah non, il y a Marvin, il n'y a plus. Plus Marvin, oui. On a André, Magali, alors, Tiffany. André, on ne sait pas trop où il est, mais on a André, Tiffany, Magali, Fabien. Et Magali a un double vote. Bah le truc, donc c'est qu'André, il va vouloir sauver son pote. Bah oui. Maxime, André, il est agent va vouloir tuer Maxime, là, normalement. Ouais. Ah ouais, c'est dur, hein. Bah, ouais. C'est encore lui qui va faire la décision, quoi. À mon avis, là, ça va vraiment jouer en fonction des immunités. Bah, de toute façon, c'est ce qu'ils nous montrent dans le teaser. Ils nous disent que Maxime, de toute façon, il est je sais pas pour qui choisir. Non, là, si t'es malin, c'est tu t'essayes de backstab Fabien. Honnêtement, dans le jeu, à ce moment-là, t'essayes de backstab Fabien. Ouais, après, préfère bien voir des autres. Bah, le pacte des 5 rouges là. Juste pour sortir un mec pour virer Fabien. Enfin, pour réduire le compte des rouges. Si t'es un jaune aujourd'hui, enfin un ancien jeune. Non, putain, t'es toujours jeune. Enfin, oh merde, c'est compliqué ces histoires de jeune et de rouge et de jaune et ancien. Mais non, parce que si ça dépend desquels. Parce que regarde les Tiffany et tout, ils sont pas tellement, ils ont pas de problème avec Fabien pour l'instant. Oui, mais même, je veux dire en termes de jeu, tu sais qu'ils vont l'éliminer. Oui, c'est ça. Tu vois, les rouges. Pas être vu comme avec lui. Oui, voilà. Ouais. Donc, mais c'est même pas être vu avec lui. C'est une opportunité de tège un mec. Oui, pour pas cher. Ouais. Ah, je sais pas, j'ai un doute. Moi, je pense qu'il y a un truc à jouer. Le pacte ouais, des 5, là. Ouais, je sais pas. Le pacte des 5, ils vont y aller ensemble. À part si tu t'en... À part que peut-être, il y a peut-être une faille à jouer sur le côté, avec les filles, tu vois. Parce qu'en fait, sinon, elles savent que. En vrai, elles savent que les 3 mecs, enfin, en tout cas, il y aura un problème où, merde, j'arrive plus à m'exprimer. On comprend pas ce que tu veux dire. En gros, moi, j'ai peut-être un peu d'espoir en disant, il y a quand même toujours ce truc-là, un moment à Koh Lanta où les meufs, elles comprennent que ça pue du cul pour elles, elles se disent, on a qu'à se mettre tous ensemble et virer tous les mecs. Ouais. Et du coup, elles te vireraient Romain, elles te vireraient, Sébastien. Et ça serait très bien. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça, tu vois. Mais en fait, si elles avaient voulu le faire, là, elles auraient eu l'opportunité de le faire. Ouais, mais ça puait trop du cul, mec. Alors moi, du coup, quand même, moi, je comprends que quand Fabien il arrive dans l'eau comme une fleur en leur disant, ouais, je vous amène tous à l'orientation, t'inquiète pas, Mélanie, il dit, mais vous êtes combien là? Il y a un problème, tu vois, comment on fait après pour dégager et tout ça, tu vois? Ouais, mais c'est pas grave, tu vois. Oui, mais t'y penses, mais tu dis, c'est pas grave. Mais au moins, ce move-là est fait. Pour moi, à chaque fois qu'il y a un mec qui, à partir de la réunification, chaque élimination, le jour d'après, c'est un nouveau truc. C'est une nouvelle stratégie et tu repars sur une nouvelle base. C'est-à-dire, tu fais pas une stratégie, à part, à la réunification, tu peux pas faire une stratégie sur les 5 prochaines éliminations. C'est pas possible, tu vois. Bah, c'est en fait, un jeu de backstab à partir de ce moment-là. À part si t'es 4 et que vous êtes moins que 8 et que tu sais que tu peux arriver à 4 à la réunification. Mais le problème, c'est qu'il y a des immunités qui peuvent faire péter ça, tu vois. Donc, c'est débile, en fait. C'est impossible. Surtout, il y a un truc là, dont vous prenez pas du tout en compte, c'est le fait que la semaine prochaine, tout le monde va chercher les colliers d'immunité. Moi, je pense que c'est ça qui va tout changer, hein. C'est pas un André, un nanana, hein. C'est qui va avoir un collier d'immunité, qui va donner un collier d'immunité à qui, surtout. Parce que maintenant, on peut donner les colliers. Attends. Tu veux dire que donner un collier d'immunité? Ils vont réfléchir. Toi, tu vas un peu loin dans le jeu, hein. Il suffit qu'il y ait celui qui veut le collier, qui réfléchisse. Et normalement, après, ça va se faire. Non, mais je pense que, franchement, ça va jouer comme ça, parce que, quelles que soient les équipes, il suffit qu'il y ait un mec dans le camp qui trouve un collier d'immunité pour que, d'un seul coup, n'importe quelle cible, enfin, tu vois, ça va forcément être intéressant, quoi. Mais je pense que il est assez malin pour faire un move avec un collier d'immunité en mode, si j'en ai un, je le donne quand même à un mec qui l'utilise et je fais croire qu'en fait, je reviens sur le pacte c'est rouge ou une connerie comme ça, tu vois, ouais. Et, il serait capable de faire ça, ouais. Ouais. Tu peux aussi filer un collier à l'équipe adverse en échange d'un vote. Tu vois, tu dis à un mec, vote avec moi, je te file le collier d'immunité, toi tu saves ton cul la fois d'après, enfin tu vois, ça se tente un peu. Ouais, mais ça, t'as vraiment jamais l'assurance que, enfin tu vois, moi tu me le donnes, je dis merci et je vote contre toi. Regarde, là ils avaient l'assurance que ça allait être Maxime, et puis finalement, enfin que Maxime allait pas chier dans la colle, enfin et puis voilà. Quelle fiotasse. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, globalement? Lucas. Ouais, déjà, je suis content que ce soit la réunification en vrai, parce que là, c'était, je pense que ça avait assez duré les histoires de rouge et de jaune. Maintenant, je suis déçu du résultat au final, parce que j'ai quand même peur que cette histoire de, enfin, en fait, si c'est vraiment le pack des rouges qui domine, alors que c'est quand même que des gens qui sont inintéressants, voire totalement antipathiques comme Sébastien, ça va être horrible à regarder et on va se retrouver avec le même scénario que l'année dernière avec des connasses et des connards et des gens qui servent à rien à suivre en finale et on sera en mode oh là là, je me demande vraiment qui va gagner. Maintenant, j'ai un peu d'espoir dans le sens où Fabien est toujours là. Au final, il est pas trop en temps grillé que ça. Et je suis presque impatient de voir les réactions de tout le monde. Toi, quand même, la réaction qu'on a eue par rapport au baissage de froc de Maxime. J'espère qu'au prochain épisode, ils vont tous se foutre de sa gueule, tu vois. Et lui dire, elle est la pleureuse, là. Tu viens faire à manger. Ah. Tu vois, le mec, quand même, il était en mode, ça m'a saoulé aussi. Les duels de coq de coquelet comme il dit Fabien entre Sébastien et Maxime, oui, alors que les deux ne comprennent rien et les deux ne contrôlent rien, ils ne contrôlent rien du tout, tu vois, au final ils avaient rien vu venir par rapport à Fabien, ils avaient rien vu venir par rapport à tout ça, tu vois. Oui. Donc à voir, en fait je suis impatient de savoir comment ça va réagir par rapport à Fabien et tout ça. Le teaser, je sais pas, j'avais l'impression que ça restait quand même très ancien contre nouveau. On va voir, quoi. Je sais pas. Je suis un peu confus, en fait. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé à la fin. Écoute, franchement, moi, cette fois-ci, on s'est pas trop fait chier. Donc, grande qualité par rapport aux autres épisodes de cette saison. J'ai trouvé, franchement, même si les épreuves étaient vraiment basiques, elles se regardaient. La première était vraiment bien montée. C'est sûrement parce que ça a été très serré, mais du coup c'était agréable à regarder, c'était rapide. Bon, j'ai regardé en accéléré comme d'habitude, mais c'était, il y avait du rythme quoi. Et franchement, là on va pas non plus se mentir. Bon, c'est atterrant d'être aussi bête et inconscient de la part de Maxime, mais mine de rien, moi je suis content parce que c'est le bordel. Et franchement, ça va forcément être marrant, il va forcément se passer des trucs. Je trouve qu'il y a plein de personnes qui ont été pas du tout intéressantes jusqu'ici. Et j'ai hâte de voir s'ils deviennent intéressants dans l'espèce d'adversité et le chaos qui va être créé par ce bordel, quoi. Moi, je suis pas si d'accord que vous, en fait. Je suis pas vraiment du même avis. Je trouve que globalement, l'épisode, je suis pas ressorti en mode waouh, c'était incroyable. En fait, je trouve que le rythme, au contraire de l'épisode des assez mou du genou, mais malgré tout, tout le long de l'épisode, il y a quand même des choses qui viennent relever relever le niveau, quoi. Bah, la pizza, tu vois, l'épreuve de confort, on s'en fout. Alors que derrière la pizza où ça dure 2 minutes avec les bruits de Fabien, ça m'a fait rire. Derrière. Moi, j'ai trouvé qu'elle était bien l'épreuve. Mais en fait, je l'ai vue 50 000 fois et elle m'intéresse plus, quoi. C'est ça. Oui, c'est vrai. En fait, je m'en fous de voir des mecs nager. C'est pas bien filmé sous l'eau. Il y a jamais de confrontation. Enfin, tu vois, la confrontation, elle se fait avec des plans différents et alors que c'est pas filmé les mecs l'un à côté de l'autre, tu vois. C'est pas vraiment une course. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment pas beaucoup aimé cette partie-là. Alors que la pizza, ça m'a fait rire. La discussion des ambassadeurs. Tout ce qui a été avant, c'était rigolo. Toute la discussion des ambassadeurs, vraiment, ça n'a servi à rien. Puisqu'au final, on atterrit sur un truc totalement différent à la fin, qui se règle en à peu près 10 secondes, et qui détermine le sort d'un candidat, alors qu'il y a eu une discussion 2 heures avant, c'était trop chiant. Et pareil, derrière, bon bah le truc en suspension, on l'a vu 15 000 fois, on s'en fout. Malgré tout, il y a eu la Golgoth qui nous a fait bien rigoler, et ça, c'était trop bien. Et après, jusqu'au conseil, c'est chiant. Et la fin du conseil est complètement ouf. Donc vraiment, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses, mais je trouve que... ouais. Bah, j'allais dire, par rapport aux épisodes d'avant, en fait, si tu veux, c'était pareil sans les trucs bien. Donc, ouais, mais... ouais, ça, non. Je mets les choses en perspective, mais on je trouve peut qu'il dire y avait un épisode de 4-5 qui était vraiment cool. Là, en fait, si t'enlèves ces éléments... Mais le problème, c'est que les éléments cool, ils sont vraiment très très courts. Et ah bah oui. En termes de temps de diffusion par rapport à tout ce qui est chiant. L'autre problème, c'est quand même le fait que là, on repart sur un format qu'on connaît déjà, je veux dire. Ouais. Ils sont tous unifiés. Qu'est-ce qu'ils font? La prod, elle sait pas quoi faire. Elle lâche des flopées de colis d'immunité sur l'île. Alors, je suis désolé, les colis d'immunité, ils vont, comme d'habitude, ils vont pas être bien utilisés. Les mecs, ils vont dire, ils vont regardez même ce pas que les trouver, j'ai trouvé en, fait. En arrivant comme à coq, tu vois, avec le colis d'immunité autour du cou. On va avoir une Clémentine comme l'année dernière qui va garder son colis d'immunité pendant 6 semaines. Sans jamais se faire voter contre elle, et à la fin elle va dire bah c'est bon. Mathilde, elle avait bien joué son collier l'année dernière, ne oublions pas. Elle l'a perdu comme une merde aux ambassadeurs, c'est tout. Hein. Oui, elle l'a trahi. C'est ça qui s'est passé. Oui, bien sûr, elle l'a trahi. Ça qui s'est passé, et après le collier il a été donné à Clémentine. Ouais, ouais. Ah oui, non, c'est vrai, ouais, j'ai rien dit. My god. Non, personne n'a le collier. Elle l'avait bien caché quand elle l'avait trouvé, en fait, c'est pour ça. Ah non, ça n'a servi à rien. Les colliers, ça n'a jamais servi à rien. Ça n'a servi qu'une seule fois. C'est la fois où Théoura, il en a utilisé un. Je crois qu'il a trahi un mec. De toute façon, Théoura, c'était le mec. Il a fait que des coups de pute en stratégie et tout le monde s'en souvient comme le mec fair play et tout ça, tu vois. Ouais. Alors que c'était pour ça que c'était un bon candidat. C'est parce qu'il a amené des bons rebondissements de situation et puis il a trahi Mundir, tu vois. Donc ça, c'était quand même du lourd. Pascal, il n'avait pas fait ça. Pascal. Il n'avait pas utilisé des colliers? Ou alors il avait réussi à gérer ses stratégies sans collier? Il est resté longtemps, Pascal? Il n'est pas resté si longtemps que ça? Si, il est resté longtemps, Pascal. Il est resté quasiment jusqu'à l'orientation, non, Pascal? Il a été super loin. Je sais pas. Je sais même pas s'il a pas fait l'orientation. Hein. Alors il me semble que ça a été un peu un moment, ça a été le dernier contre Impact, en tout cas, Pascal, c'est sûr. Ouais, Pascal, il a tenu du mafieux du Sud. Ouais. Non, il a tenu tout seul contre un groupe. Mais je crois pas qu'il ait fait l'orientation pour le coup. À vérifier. On vérifiera ça. Allez, je vous propose de passer à un autre sujet. Évidemment, on reste sur Koh-Lanta, ne vous inquiétez pas. Vous êtes quand même en train d'écouter Koh-Lanta. Grande émission. Putain, j'ai du mal ce soir. Hein. Grande émission, grand podcast français. Et on va faire un petit peu une revue de ce qui s'est passé sur Internet autour de Koh-Lanta cette semaine. Petit générique à la bouche. On fait lequel? Personne. C'est ça. Alors, moi j'aimerais bien qu'il y en a un qu'on n'a pas encore fait. Je sais pas si vous voyez celui qui fait genre. Avec une flûte un peu bruyée ou pas celui-là? C'est celui quand on zoome sur les drapeaux des camps. Ouais, mais un de ceux-là, ouais. Super dur à faire. Ah oui, qui est celui qui fait à la fin qui fait. Moi je sais faire que la trompette, moi je suis désolé. Et ouais, bon, alors on fait la trompette alors. 1, 2, 3. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mes amis, mais moi pas. Il y a Yesta et Benoît d'il y a deux saisons qui viennent de figurer dans une pub pour une voiture, et cette voiture n'est autre que le Nissan Juke. Alors je comprends pas comment on vend encore cette voiture et comment on fait encore de la pub, parce que ça fait au moins 6 ans qu'elle est sortie. Ouais. Mais en tout cas, voilà, Yesta et Benoît sont dans une pub pour le Nissan Juke, et je crois qu'ils ont une phrase chacun. Ah oui, ils disent, parce que, du coup, ils ont les couleurs qu'ils avaient dans l'émission. Il y a lui est jaune et elle est rouge. Et ça change la custo de la voiture aussi. C'est-à-dire, il y a des liserés de couleurs sur tout le modèle de la voiture. Et quand l'un monte dans la voiture, ça change les couleurs de la voiture. Ça, c'est vrai. La voiture d'Iesta, elle s'en va dans la forêt avec Jérémy à son bord et elle revient une demi-heure après avec tout le monde qui fait alors les amours. Non, je crois que c'est juste l'un qui dit allez les jaunes. Et il monte dans la voiture et elle fait ah non, allez les rouges. Et elle monte dans la voiture. Voilà. Oh mon dieu, vraiment. Instant de malaise, mais j'ai trouvé ça rigolo. De les voir ensemble, en fait. C'est intéressant que. Parce qu'eux, ils refusent de participer aux anges, quand même. Ouais, oui. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a de l'avenir. Enfin, ils essayent de faire leur petit bail d'un influenceur et de. Ils ont pas dû être payés très cher, hein. Mais... Non, oh, mais. Eh, c'est quand même une pub qui passe un prime time avant qu'on l'entende. Hein. Pendant qu'on l'entende. Je pense que ça rapporte plus que juste de mettre. Un snap sur, enfin, une photo sur sa story Instagram. Ah oui, ça c'est sûr, oui. D'une crème à l'avocat, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Bah, vas-y, tiens, parle-en de ta news, Lucas, vu que tu parles des anges. Eh ben, une des autres news, donc, vous savez, moi je suis tous les candidats, enfin, ceux que j'aime bien, sur Instagram. Et donc, du coup, la news de la semaine, c'est que Mathilde, de la saison précédente, et Bastien, ne sont plus ensemble, et donc Mathilde, elle est revenue plus ou moins en détail. En plus, vraiment, Bastien... Après, genre, Bastien... c'est pas la même personne sur Instagram, mais on en parlera après. Mais du coup, ouais, non, elle est revenue en détail un peu là-dessus, donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu un genre de point de désaccord sur le fait qu'en fait, il semblerait que Bastien veuille continuer, en fait, dans la télé-réalité, donc on imagine que Bastien va participer, je pense, aux anges. Donc j'ai pas trop à quoi d'autre il pourrait participer, en fait. Au Marseillais contre le reste du monde en tant que reste au Marseillais, du monde. Ouais. Bah non, il est Marseillais. Bastien, il est Marseillais. Bastien, il est Marseillais. Ouais, justement, le problème, c'est que c'est plus comme ça que ça marche. Ok, parce que Bastien, il est quand même extrêmement Marseillais, quoi. Tu vois, genre, en mode, ses stories, c'est... Ils vont l'inclure dans les... Je vais au Vélodrome, et il a fait une marque de t-shirt qui s'appelle Billy. Et donc, Billy, c'est un des gimmicks de Jules, tu vois, quand même. Oui, c'est oui. Genre, c'est le pote de Jules, là, tu vois. Tout le monde s'appelle Billy. Oh, non, oui. Trop bien. Je l'ai écouté il y a deux jours en plus. Bon, mais du coup, je me souviens plus ce qu'on disait. Ouais, Billy, mais Billy, ça, c'est Billy, ouais, bon. Billy. Effectivement, il a l'air d'être parti en mode télé-réalité, quoi. C'est tout ce qu'il dit dans le message. Ouais. C'est tout pour cette news? Bah, c'est ça, ouais. Désaccord et ils ont dû conclure sur. Bah, ils ont dû conclure littéralement. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, ce qu'elle a dit exactement, Mathilde, c'était qu'en gros, voilà, je sais plus à quoi elle condamnait, mais elle disait, voilà. Parfois, enfin, en gros, elle a dit que l'amour n'avait pas été plus fort que l'appel des anges de la télé-réalité, tu vois. Et après, elle a screen toutes les gens qui lui disaient, c'est pas grave, ma belle, tu retrouveras quelqu'un de mieux. Dont la moitié devait être des trentenaires en chien qui se disaient, mais putain, ça... si seulement ça pouvait être moi, le mec mieux! Ah non, on a pas parlé, screen, mais bon. C'est avec toi, les commentaires horribles sur la page Instagram de, oh là là, de Mélanie. Vraiment, c'est affreux. C'est les vieux vicelards. Oh, c'est terrible. Les pauvres. Tu es très belle, Mélanie. Je te regarde tous les vendredis soir en mangeant de la paix. Il y a beaucoup de sens de pouvoir s'occuper d'aussi jolies gambettes. Oh, c'est horrible. C'est exactement ça. Oh, c'est horrible. Et d'ailleurs, je me dis, je pense qu'ils ont. Après, il y en a, on sait très bien qu'il y en a qui gèrent pas leur compte Instagram. Je suis pas sûr qu'ils gèrent tous leur compte Instagram. Non, leur je pense compte pas. Twitter. Mais dans ce cas-là, en vrai, ils devraient même pas créer de compte, hein. C'est pas forcément très intéressant. Oui. Bah, en même temps, tu vois, c'est pas intéressant de t'appeler pour le reste de ta vie, Sandrine Koh-Lanta, tu vois. Parce que c'est ça, en vrai, hein. Pour qu'on les reconnaisse, ils s'appellent tous machin de Koh-Lanta. Ils ont des comptes privés pour leurs copains, donc ça sert vraiment à rien. Bon, pas tous après. Tu vois, ceux qui ont 50 ans. Oui, non. Que Manu. Manu, il a des posts d'avant Facebook, d'avant Koh-Lanta. Ah ouais? Non, je veux dire, je me doute que Mathilde, c'est pas son vrai compte, tu vois. C'est vrai. Non. Allez, j'enchaîne sur ma news. Une autre news. C'est pas une news. Mais, en fait, j'ai repris de l'intérêt pour ces vidéos. Parce que je me suis rendu compte quand même qu'elles étaient vraiment très très bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est beau. Il s'agit des vidéos de Denis en ligne. Puisque si vous ne le savez pas encore, eh bien maintenant vous le savez. Pour chacune des épreuves qui sont faites dans Koh-Lanta, Denis teste les épreuves et vous le montre en vidéo sur le site de mytf1.fr où vous pouvez aller regarder notre gourou faire toutes ces épreuves et vraiment sur celle de l'émission qui vient de se passer. Donc notamment celle où il faut plonger pour aller chercher des pierres, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est bon plongeur, qu'est-ce qu'il est bon nageur après ça. Parce que quand même, nous, on a vu des beaux plats dans l'émission où les mecs plongent sans essayer de rentrer dans l'eau, quoi. Il plonge et il s'éclate. Il s'éclate comme ça sur l'eau, quoi. Mais lui, non, il sait plonger, tu vois. Vraiment, il rentre dans l'eau tel un grand nageur. Et il s'en va. Il fait un petit signe OK, tu sais, avec la main sous l'eau en train de porter une pierre en mode c'est easy. Alors, c'était trop bien. Et j'ai commencé à regarder toutes les autres vidéos et je vous conseille d'aller regarder ça. C'est vraiment sympathique à regarder. Et en plus, il y a Denis Brognard, donc ça vaut le coup. Ensuite, j'avais trouvé une petite interview de la mère de Marvin qui, après son élimination, s'est livrée aux journalistes. Et là, en l'occurrence, c'est un article qu'on retrouve sur 20 minutes. Oui, grand bouquin. Hein. Et bon, voilà, il lui pose quelques questions. Comment il s'est inscrit à Koh-Lanta. Donc, en l'occurrence, on apprend que bah, c'est elle qui l'a inscrit à Koh-Lanta avec sa fille. La réaction face à l'écran, voilà, elle apprécie beaucoup que tout le monde le trouve gentil et qu'il est comme ça dans la vie. Elle a été un peu gênée qu'il parle des conflits familiaux à la télé, mais blablabla, bla, tout c'est très bien, il est incroyable dans la vie, il voulait être gendarme, mais il avait peur de passer le concours. Et surtout, il y a, puisque vous pouvez toujours le lire, un paragraphe très intéressant. Le journaliste demande... Est-il revenu changé de cette aventure? Et elle qui nous dit, pas vraiment, mais il a mis un peu de temps à se réadapter, point. Il ne mettait plus de chaussures, n'avait plus envie de s'habiller et oubliait souvent de se laver. Oh le crasse-pouille. Oh les mecs, il a fait sa deuxième crise d'adolescence quoi. Il est devenu... encore plus peace and love qu'il ne l'était à la base, surtout avec sa barbe et ses cheveux partout. Eh ben. Ah, ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Il avait plus envie de s'habiller et oublié de se laver. C'est trop bien. Et j'en ai gardé ça une. Rappelle... Ouais, vas-y. Ah, vas-y, excuse-moi, Lucas. Je sais plus si on en avait parlé sur Koh-Lanta la saison dernière de l'émission de télé-réalité japonaise qui s'appelle Natsubi, je crois, ça veut dire aubergine en japonais. Et c'est un truc où ils avaient, en gros, basiquement, ils ont enfermé un mec pendant 2 ans, sans vraiment lui donner son avis, et à la fin, le mec a vraiment eu des traumatismes genre de ouf pendant des années, où il voulait plus s'habiller, il voulait plus regarder les gens dans les yeux et tout, et il a écrit un livre là-dessus, et il est devenu riche grâce à ça. Sérieux? Ouais, c'est le truc que je regardais en cours. Il était obligé de survivre en commandant des trucs en utilisant des échantillons gratuits envoyés dans des magazines et en participant à des concours. À des concours. En fait, il avait pas d'argent. Il avait zéro argent. Sérieux? Et tout ce qu'on lui donnait, c'était du papier à lettres et un stylo. Mais c'est terrible. Ouais. Ben non, mais surtout, en fait, au bout d'une semaine, il y a un moment, il a dit, bon, c'est bon, j'ai gagné ma super machine à coudre. Mais en fait, j'ai toujours rien pour manger. Oh, l'épisode où il fait cuire du riz, c'est tellement bien. C'est trop bien. Avec des bouts de boîtes de conserve qu'il récupère. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Il vivote. Et ça dure longtemps, hein. Non, c'est dans les trucs de pomme pote. Il met du riz dedans. Ah oui, c'est il met vrai, de l'eau. Voilà. Et après, en fait, il fout la pomme pote à côté de la gazinière. Il fout la pomme pote à côté de la gazinière à fond. Et du coup, ça fait chauffer le riz qui est dans la pomme pote pleine de flotte. C'est terrible. Et il est là, il est tellement heureux, tu vois. Et ouais, et donc lui, en fait, c'est horrible. Vraiment, limite, lisez la page Wikipédia, mais en gros, le mec, ils l'ont enfermé. Après, une fois qu'il a gagné, en fait, ils l'ont renfermé en Corée et il a passé genre 2 ans en tout enfermé, quoi. Et non, même pas enfermé d'ailleurs, parce que la porte était ouverte et il pouvait partir à tout moment. C'est comme ça que se sont défendus les producteurs de l'émission. Ouais, pour avoir ruiné la vie d'un mec. Voilà. Alors, du coup, avant de lire les articles, regardez l'émission, parce que sinon après c'est difficile. Bon, est-ce que je peux enchaîner sur ma dernière news mystère? Oui, mais surtout que là, on la connaît pas. Non, vent. Vent. Pris connaissance. Effectivement. Et je vous dis, il y a de la qualité. Aïe, aïe, aïe. Je suis bien triste de ne pas avoir le nom du rédacteur de ce petit article qui est paru sur ozap.com, alors un site qui s'appelle Pure Media. Ah oui. Et là, le candidat emblématique de la saison au Cambodge va jouer dans le SOP de TF1. Oh. Et il s'agit d'Yves qui va jouer dans Demain nous appartient. Mais non. Et oui. Pour ceux qui ne le savent pas, Demain vous appartient est un genre de Candice Renoir, Plus belle la vie, diffusé sur TF1. avant, c'est à 19h20, je crois. Oh, la pire, c'est vrai que c'est. Et voilà. Et je vais vous lire quand même un bout de cet article que je trouve très... Ouh, mes petites beautés! Koh-Lanta. Ouh, mes petites beautés! Pas dessus! Gravez le mot trahison sur une planche de bois. Point d'interrogation. Racontez à quel point il est expert depuis 50 ans dans tel ou tel domaine. Le mystère est entier pour l'instant, mais une chose est sûre. Yves de Koh-Lanta Cambodge va bel et bien jouer dans Demain nous appartient. C'est le quinquagénaire lui-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Tatatitatata. Il va faire plusieurs apparitions dans plusieurs épisodes. Voilà, c'était ma news. Est-ce que j'ai bien fait de la garder secrète ou pas? L'effet de surprise a fonctionné. Ah, oh, c'est trop bien. Ah, tant mieux, j'en suis. J'en suis heureux. C'est trop bien. Ah, oh, c'est magnifique. Et puis on va dire, bah tu vois, j'avais raison hein, de gueuler et puis d'être vraiment moi-même parce que c'est ça qui a plu aux gens. C'est trop bien. Bon, bah, écoutez, messieurs, est-ce que vous avez un mot pour la fin? Non, ça. Merci d'être resté jusque-là parce que on vous avait plus habitué à des épisodes de cette longueur depuis un moment. Ouais. Est-ce que tu veux choisir la musique cette semaine, Franck? Cette semaine? Ouais. Évite d'en choisir une trop nulle, sinon après ma mère elle écoute pas les bonus. La dernière fois elle a pas entendu Louis chanter parce qu'elle a dit que la musique que t'avais choisie elle était nulle, Louis. Écoute, j'aimerais bien savoir ce qu'elle écoute hein, parce que vraiment faire preuve d'autant de mauvais goût et faire un fils aussi beau, vraiment, je trouve ça étonnant. Oh, oh, oh, oh, oh. Bah écoute, je choisirai plus tard. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, @KrolantaPodcast et nous écouter sur PodCloud et SoundCloud, principalement. On vous remercie, n'est-ce pas? Bah oui, carrément. Et on vous dit à la prochaine, peut-être. Bah oui. On l'espère. Bah, vous êtes obligé. Ah, si, j'ai un petit mot. Avez écouté ça, vous avez été visité par la malédiction qui vous oblige à écouter le prochain. J'aimerais bien. Je l'ai retweeté. J'aimerais bien avec le compte de Koh-Lanta parce que j'ai trouvé ça. En fait, j'aime bien quand je regarde le Twitter Koh-Lanta, je regarde un peu. Ça m'intrigue les gens qui répondent aux articles officiels Koh-Lanta. Et donc je suis tombé. Donc il y avait un article de Koh-Lanta qui était même les rouges ne le reconnaissent plus. C'était quand Romain il s'est douché et qu'il avait l'air blond. Et il y a John Kint qui a juste répondu. Golden Shower. Putain. Et je me suis dit, oh, il en tient une bonne, lui, quand même, hein, tu vois. Et voilà, donc, du coup, bah, dédicace à toi, tu m'as bien fait rire pendant une soirée. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Oui. À la semaine prochaine. Nick Sébastien. Ouais, de ouf, ouais. Je suis sorti de la chambre et là, mon reflet dans le miroir. Aucun souvenir de la soirée d'hier. Pélo, je m'entends tant que je suis sur elle. Je me suis cassé la capitale Bénère. Prends coupé sport, on va sonner. Évidemment qu'il est loué, je fais dans lenteur. Demande monnaie passable. Je m'en tape. Tant que je suis dans mon ride sur la cinéga, je fais rien d'illégal. On sort de Castle and Side. Ébony 1000 à ma gauche, 100 abonnés à ma droite. Suffit d'une faute de frappe sur le tam-tam pour retrouver ton cadavre sur Compton. Si t'es sur Hollywood, rejoins-moi à Venice Beach. Hollywood Boulevard, Venice Beach. Elle a un joli boule, j'ai trouvé ma LA Beach. Hollywood Boulevard, LA Beach. C'est le bruit de la ville de copier qui m'anime. Latina et ma LA Beach. Long et ma queue dure sera la nuit. J'lui fais croire que tu es un fouteux à la godeux. En dépit de l'accent anglais douteux, tu me parles de nous deux, mais j'lui plus. J'me barre tout à l'heure sur scène 7, j'vais faire la fête. J'ai le corps en but de colle, pour ça que j'ai les pieds sur terre. Elle préfère se mettre à poil, pensant qu'elle va briller. Ne compte pas sur moi, babe, si tu cherches les billets. Y'a des images qui font que je m'excite, moi. La vie c'est moins facile quand t'es de Mexico. Marin. sort de quel sunshine. Et bonnie mille femmes à gauche, sans abonnés gamme à droite. Suffit d'une faute de frappe sur le tom-tom pour retrouver ton cadavre sur Compton. Si t'es sur Hollywood, rejoins-moi à Venice Beach. Hollywood Boulevard, Venice Beach. Elle a un joli boule, j'ai trouvé ma LA Beach. Hollywood Boulevard, LA Beach. C'est le bruit de la ville de Kobe qui m'anime jusqu'au bout de la nuit. J'apprécie cette vie dans le vide, je me livre dans la vie, je me vis. Il vient sur les îles si je fais à diminuer.